Nous voilà au stand de l'école d'Iwan en Bretagne et j'ai deux experts devant moi qui vont vous expliquer comment ce système scolaire fonctionne. Oui, donc en fait, les enfants sont accueillis à partir de l'âge de 2 ans et demi. La plupart du temps, ils sont francophones, ils ne parlent pas du tout breton, mais l'école se passe tout d'abord entièrement en breton. On les, on les entoure d'un bain linguistique et on les éveille en breton. Et puis ensuite, on introduit le français, le but étant qu'à la fin de la scolarité primaire, ils puissent maîtriser aussi bien les deux langues, en écrit comme en oral. Ensuite, l'école continue au collège, puis au lycée, et enfin, ils peuvent continuer un cursus à l'université, s'ils le veulent. Donc, l'université offre des cursus en langue bretonne aussi? Alors, l'université offre des cursus de langue bretonne, c'est-à-dire soit la licence de langue bretonne, soit la licence de culture bretonne. Alors, la langue bretonne, c'est plutôt pour ceux qui vont enseigner la langue ou enseigner dans la langue. La culture, c'est pour ceux qui souhaitent plutôt connaître uniquement l'environnement culturel de la langue bretonne. Madame, qu'est-ce que vous en dites? Le breton, il en est où aujourd'hui? Ben, c'est l'histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein, vous voyez. Il y en a qui le voient à moitié vide et qui disent « Oh là là, c'est terminé, il y a plein de personnes âgées qui décèdent tous les jours en emportant leur langue dans la tombe. » Et puis il n'y a pas assez de jeunes à naître dans des familles bretonnantes. Et puis le verre à moitié plein, on va vous dire « Mais oui, mais il y a plein d'enfants qui apprennent le breton dans les écoles. » Tout à l'heure, on a vu passer des jeunes gens qui avaient envie d'enseigner en breton, qui étaient très motivés, qui vont entrer à l'université. On voit qu'il y a un regain d'intérêt. On voit aussi que les personnes âgées maintenant commencent à redonner un petit peu d'appréciation à leur langue, alors qu'avant ils n'aimaient pas parler ou ils en avaient honte. Maintenant, ça c'est quelque chose qui est dépassé. Donc nous qui sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'on a l'espoir de pouvoir transmettre cette langue à nos enfants, qu'on est encore là et qu'on a envie de se battre, et puis qu'on a envie de faire connaître nos écoles. Et nos élèves dans nos écoles sont très heureux en plus. Merci bien. Et puis, j'aimerais bien qu'on termine cette petite interview par une phrase en langue bretonne. Bon, bah, je vous dirai Avelvad, à Chansvad, Vararguel, à Digemirma des Brist. Troubarez et Kenavo, et vous traduisez s'il vous plaît? Oui, donc je vous ai dit bon vent et bienvenue à Brest, dans notre belle fête. Et voilà. Et puis après, vous m'avez dit merci et au revoir. Ok, merci madame.